Si on écoute ce proverbe qui dit, je cite, donc, pour trouver le coupable, regardons à qui profite le crime, si nous ramenons ce proverbe au 11 septembre 2001, qui en serait le plus responsable, le complexe militaro-industriel américain et le lobby sioniste US ou Ben Laden dans sa grotte afghane? C'est signé Marc. Oui, ben là, je veux dire, l'histoire, la version officielle du 11 septembre aujourd'hui était devenue un sujet de plaisanterie pratiquement. Je pense que le débat, c'est même pas de savoir si la thèse alternative à la thèse officielle est crédible ou pas. Il est évident qu'elle est bien plus crédible. Moi, aujourd'hui, je dirais que le niveau du débat, c'est de savoir comment le pouvoir américain va se sortir de ce piège qui se referme progressivement sur lui, qui est le piège du mensonge du 11 septembre. Et là, je fais référence à l'histoire, à la mort de Kennedy. On sait très bien aujourd'hui que Kennedy a été assassiné par les élites du pouvoir américain pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il voulait reprendre le contrôle de la réserve fédérale américaine et du dollar, parce qu'il voulait sans doute essayer de mettre un terme à la guerre froide et à la guerre du Vietnam, et qui s'est donc opposé au lobby financier, monétaro-financier américain, au lobby militaro-industriel, et qui l'ont liquidé. Or aujourd'hui, cette thèse-là, qui m'aurait évalué mon exécution physique en 1964, 65, 66, aujourd'hui, on peut le dire, il y a même un film hollywoodien qui est sorti, etc. Je pense que le destin du 11 septembre sera le même destin que le destin de la mort de Kennedy. Mais le problème, c'est que ce n'est pas pour ça qu'il y aura une révolution ou que seront passés par les armes ou jugés ou pendus les gens qui ont assassiné Kennedy comme les gens qui ont organisé en interne le 11 septembre. Donc la question aujourd'hui, c'est comment l'oligarchie américaine va-t-elle se sortir du piège du 11 septembre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que le pouvoir américain admettra que ce que les tours, c'est une démolition contrôlée, mais il faudra qu'ils disent en gros qu'ils n'y sont pour rien, que si c'est pas Ben Laden, c'est encore quelqu'un d'autre, etc., etc. Et je pense que c'est la vérité dans ce genre d'histoire arrive petit à petit, et que malheureusement, c'est le temps qui fait le problème. C'est que la vérité, si la vérité sur le 11 septembre est admise par tous ceux aujourd'hui qui crient au complotisme dans 20 ans, 25 ans ou 15 ans, les dés seront jetés, ça n'aura plus d'importance. Aujourd'hui, la question, c'est que l'oligarchie américaine ne peut pas admettre la vérité alternative du 11 septembre maintenant. Le danger pour elle, c'est de l'admettre maintenant. Donc je pense que le pouvoir et l'oligarchie américaine fait en sorte, c'est la stratégie de l'édredon, la stratégie de l'atterrissage en douceur, c'est de lâcher progressivement sur des certains points de détail. Et puis finalement, je pense que dans 10 ans, 15 ans, tout le monde sera d'accord sur le 11 septembre, comme on est d'accord sur la mort de Kennedy ou Pearl Harbor, mais ça n'aura plus d'enjeu. Ça sera bon, voilà, ça sera une discussion de bistrot. Voilà. Et donc aujourd'hui, sur le 11 septembre, je crois que le pouvoir américain et ses complices essayent de gagner du temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, le débat est relativement ouvert. Il y a de plus en plus de gens qui rejoignent ceux qui veulent remettre en cause la version officielle du 11 septembre, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait que ça ne s'est pas passé comme le rapport officiel le dit. Hein, voilà, c'est ça qui est clair. Donc aux États-Unis, ce débat est de plus en plus ouvert et s'instaure. Ce qui est étrange, c'est qu'en France, où ce débat était presque ouvert il y a 1 ou 2 ans, aujourd'hui, il se referme totalement. C'est-à-dire qu'il y a la violence néoconservatrice qui nie toute responsabilité dans le 11 septembre aujourd'hui, ne s'exerce pas aux États-Unis, mais en France. C'est assez obscène et assez amusant de voir la manière dont certains journalistes tapins, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus des gigolos et des prostituées que des journalistes, font le travail d'aller passer à tabac, enfin, métaphoriquement, mais certes, sérieusement, un Taddeï ou un Kassovitz ou un Bigard, parce qu'ils ne font jamais que relayer le travail sérieux qui est relayé par Internet et qui est fait par des associations citoyennes américaines. Voilà. Donc voilà, sur le 11 septembre, je vous dis, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas si la version alternative est plus sérieuse que la version officielle, je pense que c'est définitivement admis par tous les gens sérieux et honnêtes qui s'intéressent à la question, c'est de savoir comment le pouvoir américain va pouvoir, malgré tout, éviter d'avoir à rendre des comptes frontalement sur cette question. Et je vous dis malheureusement, le précédent qu'il faut avoir à l'esprit, c'est Kennedy. Aujourd'hui, tout le monde sait que Kennedy n'a pas été tué par un tueur isolé qui s'appelait Lee Harvey Oswald, mais a été victime d'un complot d'État de l'oligarchie américaine qui a liquidé un président qui tentait de s'émanciper du pouvoir de cette oligarchie et finalement d'exercer un peu plus honnêtement son pouvoir de président des États-Unis conformément au projet des pères fondateurs américains et qu'il a été liquidé pour ça. Aujourd'hui, je peux dire ça tranquillement, tout le monde est d'accord, mais si j'avais dit ça effectivement quelques années après l'assassinat de Kennedy, j'aurais peut-être été liquidé physiquement. Il en va de même aujourd'hui pour le 11 septembre. Il est très difficile aujourd'hui de parler du 11 septembre. C'est une question de temps et malheureusement, je crois que l'oligarchie responsable, manipulatrice de ce qui s'est passé, s'en sortira par cette stratégie comme ça de glissement progressif, de demi-aveu, de stratégie dite de l'édredon et de l'atterrissage en douceur, et que malheureusement, il n'y aura pas, je dirais, de vérité, d'éclatement de la vérité sur le 11 septembre qui amènerait à un jugement des coupables par un tribunal américain, etc. C'est d'ailleurs très dommage, mais je crois que ça finira comme l'affaire Kennedy. Voilà. Très bien. Alain Soral, que pensez-vous du combat d'Alex Jones? C'est la question est de Adrieu 59. Je ne sais pas qui est Alex Jones, vous voyez là, c'est, voilà, pour la première fois, je suis pris en défaut. C'est la personne qui a lancé We Are Change aux États-Unis et qui donc s'est plus ou moins développé au niveau de certaines nations. C'est un mouvement, disons, plutôt horizontal, semble-t-il, qui consiste de la part d'initiatives citoyennes à interpeller les hommes politiques, de la finance et des médias pour leur poser des questions un petit peu gênantes lors de conférences ou de séminaires. Je crois qu'il y a une antenne en France et d'ailleurs nous avons participé avec Égalité et Réconciliation à certaines interventions, notamment nous avons pris à partie Jacques Attali lors d'une signature au Salon du Livre. Donc je suis absolument partisan de toutes ces entreprises citoyennes. Simplement, il faut travailler à ce qu'elles soient de bonne qualité. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne, c'est quand je vois un intervenant prendre à partie, je dirais, un relais de l'oligarchie ou un membre de l'oligarchie, mais que ce qui n'est pas au niveau. Ça fait toujours de la peine de voir un type qui est de bonne volonté, mais qui n'est pas au niveau. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire avec Égalité et Réconciliation, c'est de faire de la formation. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens de bonne volonté qui ont de très bonnes intuitions et qui sentent que l'oligarchie leur mente et qui sentent très bien que la vérité n'est plus dans Libération et dans Le Monde, et ni à la télévision, etc. Alors ils vont sur Internet, et malheureusement sur Internet il y a tout et n'importe quoi. Ce qui est mieux d'ailleurs que dans les médias officiels où il y a simplement n'importe quoi. Hein. C'est la réponse à ceux qui critiquent Internet. Sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Alors pour faire le tri, il faut être formé. C'est-à-dire il faut être formé pour avoir une espèce de capacité critique pour quand même trier le complotisme intégral et délirant, d'analyses qui sont fondées, etc. C'est pour ça que moi j'incite les gens à aller sur le site de Michel Collomb, sur le nôtre, sur Réseau Voltaire, et à éviter quand même les thèses trop délirantes et trop complotistes qui malheureusement desservent notre combat. Parce que l'autre jour, j'ai regardé une vidéo d'une dame qui se bat en Autriche contre le montage global de l'histoire de la grippe aviaire ou porcine et de son vaccin. Je pense que ce sont des projets effectivement totalement intégrés et où ce sont les mêmes qui produisent à la fois le vaccin, la pandémie et le virus. Mais à un moment donné, son interlocuteur lui dit qu'il croit aux soucoupes volantes. Alors moi, je ne sais pas s'il faut croire aux soucoupes volantes ou pas, mais ça n'aide pas de glisser dans un débat assez sérieux où il est question de lobby pharmaco-chimique, de liens d'argent entre d'énormes multinationales pharmaco-chimiques et des gens du gouvernement américain. Donc ça, c'est des faits avérés, etc., explicables, où effectivement des gens ont intérêt à faire acheter par des gouvernements des milliers de vaccins parce qu'ils sont actionnaires des laboratoires qui les vendent et qu'en plus, si on ne les vend pas, ces vaccins qui ont été fabriqués seront mis à la poubelle dans quelques mois et donc il faut absolument les vendre. Donc là, il y a une logique de pognon, de collusion, etc. Mais si on glisse là-dedans les extraterrestres ou les reptiliens ou je ne sais pas quoi, ou les anges bleus, on dessert terriblement notre travail. Et donc, moi, je suis donc favorable à toutes ces initiatives citoyennes, car je pense que les médias officiels nous ont entièrement trahis, et évidemment les politiques officielles aussi, mais il faut des intervenants formés et de bon niveau. Et c'est là où le bât blesse, c'est que parfois l'ennemi a beau jeu de mettre en scène des complotistes délirants pour disqualifier le reste du travail. On voit bien d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils font pour disqualifier. Ils mettent toujours un grain de complotisme délirant dans tout un travail très sérieux d'analyse et de critique. Et du coup, ils mettent les rieurs de leur côté. C'est ce que Sifaoui a fait l'autre jour face au dernier journaliste français qui a écrit un bouquin de synthèse sur les critiques de la thèse officielle du 11 septembre. Et ça, il ne faut pas prêter le flanc à cette stratégie de l'ennemi. L'ennemi est très pervers et très malin, et malheureusement, il utilise la moindre de nos erreurs. Donc, moi, je le dis, formation, pédagogie, sérieux, ne pas confondre saine critique intelligente de l'empire mondialiste et délire conspirationniste mystico-téléologique. c'est il faut faire attention, voilà, de pas trop partir.